Il y a 56 ans, les médias et le massacre du 17 octobre 1961. C'est un texte, un article de Henri Malheur, paru sur Acrimed, acrimed.org, ce mardi 17 octobre 2017. Le 17 octobre 1961, la Fédération de France du Front de Libération Nationale, le FLN, organise une marche, une manifestation, à Paris. La répression policière est d'une extrême violence. Outre l'internement de milliers de manifestants et l'expulsion de centaines d'entre eux, plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'Algériens sont portés disparus. Nombre d'entre eux ont été tués et jetés dans la Seine. Comment la presse a-t-elle rendu compte de ce massacre ? À notre connaissance, la meilleure étude publiée à ce jour sur le traitement médiatique du 17 octobre est due à Mognis H. Abdallah. Dans un article paru dans la revue bimestrielle « Hommes et migrations » de novembre-décembre 2000, sous le titre « Le 17 octobre 1961 et les médias, de la couverture de l'histoire immédiate au travail de mémoire ». Notre contribution doit être comprise comme une incitation à lire cet article de référence. L'auteur examine ce traitement médiatique jusqu'en 2000. Mais qu'a-t-on pu lire dans la presse dans les quelques jours qui ont suivi ? La presse de droite. La presse populaire de droite, écrit Mognis H. Abdallah, à l'instar du Parisien Libéré, de l'Aurore ou de Paris Jour, reprend la version de la préfecture de police. Elle évoque de violentes manifestations nord-africaines emmenées par des meneurs et des tueurs, déferlant vers le centre de la ville. Voici par exemple la une du Parisien Libéré du 18 octobre qui attribue les violences aux manifestants. On peut y lire « Violente manifestation nord-africaine hier soir à Paris, la grève risque d'être quasi générale sur le réseau de banlieue, très peu de trains aujourd'hui, etc. etc. » Et en page intérieure, on peut lire en tête de la page consacrée à la manifestation cet encadré qui est un extrait et qui résume le journalisme dont il s'agit. Extrait donc. Paris et sa proche banlieue ont vécu hier soir par endroits de véritables scènes d'émeutes. Les travailleurs nord-africains entendaient protester contre les conseils de la préfecture de police, les invitant à rester chez eux le soir et à ne pas circuler en groupe. Ces mesures, on le sait, n'avaient pour but que de faciliter la lutte antiterroriste, mais meneurs et tueurs avaient là une trop belle occasion de se manifester et ils ne s'en privèrent pas, entraînant à leur suite 15 000 Nord-Africains, parfois même avec femmes et enfants. Ils déferlèrent vers le centre de la capitale en multipliant des exactions et les cris hostiles. Fin de l'extrait du journal. Le 19 octobre, le Parisien Libéré explique ainsi les manifestations, et en particulier la manifestation de femmes et d'enfants qui s'est déroulée la veille. On peut lire sur la couve du Parisien « Les chefs terroristes auraient donné leur nouvelle consigne, attaque de commando contre la police. Les meneurs veulent faire défiler ce soir les femmes et les enfants. » Etc. etc. Le Figaro, de son côté, commence par s'en tenir à une version pro-gouvernementale en attribuant la violence aux musulmans algériens. À la une du 18 octobre, on peut lire « Violente manifestation de musulmans algériens hier soir à Paris, 2 morts, 44 blessés graves, 7500 nord-africains arrêtés, la grande partie d'entre eux sera refoulé cette semaine sur l'Algérie », etc., etc. Mais dans les jours suivants, le Figaro, même le Figaro, ne peut dissimuler totalement la vérité. Ainsi, relève Mognis H. Abdallah, Le Figaro du 23 octobre se départit quant à lui de son soutien initial à la police pour dénoncer des scènes de violence à froid dans les centres d'internement, au Palais des Sports ou au stade de Coubertin. À François, alors qui est alors un grand quotidien populaire qui affecte de n'épouser aucun parti pris, on commence là aussi par avaliser la version policière et renvoyer dos à dos les extrémistes de l'OAS et du FLN. Comme on peut le voir dans ce commentaire de page intérieure en extrait, en fin de compte, les manifestations parisiennes d'hier et les raisons qui les ont provoquées risquent de servir les extrémistes des deux camps. Pour le général de Gaulle, alors que l'OAS multiplie ses provocations et que le FLN étend le théâtre de la violence, le chemin est très étroit qui, pour mener à un règlement, doit éviter les écueils dressés par les adversaires et parfois par les serviteurs trop zélés. Signé Jean Ferniaud. Mais au fil des jours, François recueille également des témoignages sur l'ampleur et la violence de la répression. À gauche, la presse de gauche sera plus audacieuse, certes. Elle commence par afficher une certaine prudence qu'elle attribue non sans raison à la censure, comme le fait l'Humanité le 18 octobre, ainsi qu'on peut le lire dans cet encadré de page intérieure. Extrait. En plusieurs endroits, les policiers et les CRS ont chargé et tiré. Il y a des morts. Aux dernières heures de la nuit, les dépêches d'agence en annonçaient deux. Le nombre est certainement plus élevé. Il y a de très nombreux blessés. Quant aux arrestations, elles se chiffrent par milliers. Sur ce qui a été cette tragique soirée d'hier, nous ne pouvons tout dire. La censure gaulliste est là. Et l'Humanité tient à éviter la saisie pour que ses lecteurs soient en tout état de cause informés de l'essentiel. Mais les notes ci-dessous rassemblées par nos rédacteurs et nos correspondants qui l'ont vu disent dans ces grandes lignes ce qu'a été la manifestation des travailleurs algériens de Paris. Fin de citation. Les jours suivants, en dépit de cette compréhensible prudence, dans l'ensemble de la presse que l'on peut classer à gauche, le ton change et les informations filtrent. Changement de ton avec, par exemple, cette une de Libération. Il s'agit du quotidien issu de la Résistance. Le 20 octobre, en voici l'extrait. À l'annexe du Palais des Sports, 6300 Algériens parqués comme des bêtes. Ils ne mangent qu'une ration pour 12. Des renforts policiers arrivent à Paris. Les condamnations du racisme se multiplient. Etc. etc. Comme le relève encore Monis H. Abdallah, Libération, Témoignage chrétien ou France Observateur publie sous la forme interrogative « Est-il vrai que ?» ou « Y a-t-il eu ?» de multiples informations sur les exactions policières et leur caractère systématique. Hommes frappés et jetés à la Seine ou retrouvés pendus dans les bois, décompte du nombre des morts et des disparus qui discréditent le bilan officiel faisant état de 3 morts et 55 blessés, etc. Citation. Si tout cela est exact, et nous avons de bonnes raisons de le croire, qui sont les auteurs de ces crimes ? Demande Libération du 19 octobre 1961. Pendant toute la semaine qui suit, les témoignages s'accumulent et convergent. Et le 27 octobre, bien que la grève des cheminots fasse leur principal titre de une, l'Humanité et Libération interrogent, ou plutôt interpellent, sur la base de nouveaux témoignages. Ainsi, l'Humanité, on peut le voir en couverture, combien de morts, combien de blessés, nouveaux témoignages sur la répression contre les Algériens. Même question le même jour dans Libération qui invoque des témoignages convergents dans cet encadré. Donc voici l'extrait. Le dossier de la répression s'alourdit un peu plus chaque jour. Il y a aujourd'hui cette longue série de témoignages publiés par L'Express, France Soir et Libération. Il y a également ces 6 cadavres d'Algériens retirés de la Seine depuis le début de la semaine. Il y a ces deux nouveaux corps découverts à Clichy-sous-Bois. Il y a le silence qui continue à entourer les circonstances de ces assassinats, tous commis dans les mêmes conditions. Il y a tous les autres faits révélés ces derniers jours et qui forment maintenant une liste imposante. Des dizaines d'Algériens auraient été jetés dans la Seine. Des questions précises ont été posées à ce sujet. Enfin, les photos d'Élie Kagan, prises lors de la manifestation du 17 octobre, sont publiées par Témoignages Chrétiens. Elles sont accablantes. Concernant maintenant les petits médias. Pourtant, comme le souligne Monis H. Abdallah, c'est surtout aux intellectuels journalistes comme Paul Thibault ou Claude Bourdet et aux petits médias que l'on doit dès 1961 le combat le plus acharné pour la vérité. Outre les exactions en tout genre, c'est un véritable massacre qui a été perpétré. Extrait. Les petits médias dont la revue Les Temps modernes, les journaux Témoignages et documents ou Vérité et Liberté ou encore la maison d'édition François Maspero publie de multiples documents qui permettront de faire une synthèse sans concession des événements du 17 octobre 1961. Droit et Liberté, journal du MRAP, fournit des informations sur d'autres pogroms ailleurs en France, à Metz, à Nancy. Côté images, le biologiste Jacques Panigel va entreprendre une enquête caméra au point qui donnera le film Octobre à Paris. Beaucoup de ces publications vont être saisies. Le film sera interdit, mais paradoxalement, leur contenu diffusé sous le manteau va marquer toute une génération, ce qui ne semble pas le cas de la grande presse et son information éphémère, volatile. Fin de citation. Mais en ce mois d'octobre 1961, aucune mobilisation de solidarité ne sera suscitée. Il n'en ira pas de même quelques mois plus tard à la suite de la tuerie du 8 février 1962 au métro Charonne. Puis, la mémoire collective et la commémoration de cette tuerie ont longtemps occulté le combat pour la vérité et la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961. Ce combat qui est d'abord un combat pour l'information n'est pas fini. Signé Henri Mahler. Et c'est paru donc sur le site acrimed.org en ce 17 octobre 2017, 56 ans après.